Vous cherchez un endroit rêvé pour vos vacances? Le site touristique Chute à l'ours de Normandin est l'endroit idéal. Situé en pleine nature, le site touristique Chute à l'ours offre des chalets et des chambres de motel. Pour réservation et information, chutealours.com ou 418-274-3411. Le site touristique Chute à l'ours est fier d'être un partenaire de premier plan de la classique de volleyball Family Prix Jeannie Larouche et vous invite à participer en grand nombre aux activités. On va parler avec, d'habitude, on l'appelle plus vers le début de la saison de hockey, mais une nouvelle importante hier, Stan Mikita, qui est décédé à l'âge de 78 ans. On le disait malade, on le disait, il faisait de la démence. Quoi qu'il en soit, ils sont rares au Québec, les joueurs ou les gens qui ont joué ou qui ont connu Stan Mikita. Ben, on a en bout de ligne quelqu'un qui a joué contre Stan Mikita. C'est notre collaborateur Joe Hardy. Salut Joe! Ça va bien, ça va bien. Joe, ouais, tu fais encore du vélo, même de ces chaleurs-là? Ah, ouais. Tu dois être en top shape? Ah, ben, j'ai perdu une vingtaine de vies depuis que j'ai été malade, fait que ça va mieux, c'est un petit peu moins difficile, mais là, je roule seul, fait que 25-26 km heure, je pars vite, mais c'est pas pire pareil. OK. OK. Joe, t'as connu Stan Mikita, évidemment, comme beaucoup de monde, sauf que toi, t'as joué contre lui. Écoute, le gars, c'est Monsieur Blackhawks, joué pendant 22 saisons, domine la liste des marqueurs de l'histoire des Hawks. Quel genre de joueur qu'il était sur la patinoire? Parce qu'on sait qu'il y a des statistiques, mais sur la patinoire, qu'est-ce que tu retiens du jeu? D'être blessé, on s'était donné à jouer à quelques reprises contre les Blackhawks. Et de deux, c'était un des joueurs que j'aimais voir jouer moi avant d'arriver là. Il était excellent avec la rondelle. C'est un gars qui était physique. C'est un gars c'est un gars de 5 pieds 10 à peu près de mémoire. Là. 5 et 9. 5 pieds 10. 5 et 9, ouais. C'est ça. 5 pieds 9, 5 pieds 10. Mais c'était pas un peu heureux. Puis il était méchant avec son hockey. Puis il était très dangereux. Mais c'était un excellent joueur de hockey. Il était bon, ses mises en jeu. Il y avait un excellent lancé, puis une chose que je vais te dire, que tes auditeurs, probablement les plus vieux, se rappellent, toi, t'es trop jeune, mais ça a été le gars, quand les premières palettes qui ont commencé à être courbées, c'est lui qui est parti ça. OK. Tu savais ça? C'est lui qui est parti ça. Puis c'est arrivé, ça, dans une pratique. À un moment donné, sa palette a craqué. OK. Et puis, il a continué de jouer dans la pratique avec son bâton, parce qu'elle n'était pas cassée, elle était juste craquée. OK. Et ça avait fait une courbe. Okay. Là, il lançait avec ça, puis ça allait tout bas et tout côté. Puis c'est le même. Les Blackhawks, moi, je me rappelle la première game que j'avais joué contre les Blackhawks, j'en venais pas de voir les bâtons, la rondelle, ils flyaient ça par-dessus le gardien de but, puis dans la baie vitrée. Alors, c'est Mikita qui est parti ça, mais pour revenir à lui, Mikita, pour moi, ça a été un des bons joueurs de centre que, tu sais, je parle pas des gars d'aujourd'hui comme Crosby, McDavid, c'est des. Ouais. D'une jeune génération, là. Mais aller jusqu'à quelques années, jusqu'à Mario Lemieux puis Gretzky, c'était probablement le king. Moi, j'avais eu à un moment donné à parler à des gens à Chicago et quand j'étais là. Puis ils disaient que, tu sais, Mikita, tout le monde l'aimait à Chicago. Quelques années plus tard, mettons, je ne peux pas me rappeler, début 90, je faisais des lignes ouvertes, OK? Ouais. Et puis j'avais posé la question, puis aujourd'hui, j'ai entendu encore hier, parce que une émission de Toronto qui parlait de ça, moi, j'avais dit que Mikita, s'il y avait eu un concours de popularité à Chicago, il était plus populaire que Bobby Hull. Pour une raison majeure, c'est qu'il a passé sa carrière à Chicago. Même deux saisons. Et à Chicago, les gens en ont toujours voulu à Bobby Hull parce qu'il a quitté l'équipe pour aller dans la Ligue mondiale. Okay. Mais en même temps, comme joueur de hockey, complet, je parle, là. Tu sais, Bobby, ouais. C'est sûr qu'il avait un excellent lancé, c'était un bon patineur, les cheveux blonds, toutes les femmes l'aimaient, là. Mais Mikita, comme joueur de hockey complet, je veux dire, il était meilleur que Bobby Hull. OK. Tu dis concours de popularité, est-ce qu'il est en. Il n'est pas plus populaire que Michael Jordan à Chicago? Chicago, non. Non, Michael Jordan, c'est un icône. Je ne pensais pas. Mais moi, quand j'étais là, à un moment donné, avec les Cougars, il avait invité Stan Mikita, une station de radio. Okay. Il ramassait des fonds pour une association. Il avait invité Mikita, moi, Dick Butkus, le joueur de football, les Bears. De football des Bears. Ouais. Et puis, je me rappelle qu'à ce moment-là, quand on avait enregistré la chanson Kodachrome de Paul Simon, l'animateur avait dit, Mikita, l'athlète le plus populaire à Chicago. Mais tu sais, dans ce temps-là, Jordan ne jouait pas là. Non, non. Il était pas là. Mais Mikita, là, aux yeux des amateurs de sport à Chicago, parce qu'à Chicago, il y avait tout de même deux équipes de baseball, les White Sox et les Cubs. Ouais. Tu sais, tu avais Billy Williams avec les Cubs, qui était extrêmement populaire. Mais Mikita était au-dessus de tout ça, parce que les Blackhawks, à ce moment-là, dans la vieille bâtisse, c'était fou là, tous les matchs. Mikita, c'était le king, là, c'était le king du temps. Là. Puis même à travers la Ligue nationale, moi, quand je suis arrivé, c'est sûr qu'il n'y avait pas 30 équipes comme aujourd'hui. Ouais. Alors, tu jouais souvent, c'était difficile, tu sais, contrairement à ce que les gens peuvent penser. C'était, puis justement, à des gens qui vont parler en fin de journée, tu sais, ils disent, le hockey n'est pas pareil de ce temps-là d'aujourd'hui. Mais tu sais, tu jouais souvent contre les mêmes équipes, là, ils te connaissaient par cœur, là, tu sais. Tu jouais contre les mêmes défenseurs peut-être 8 fois dans l'année, là, alors qu'aujourd'hui, ils jouent 2 fois, là. Heureusement, parce qu'il y avait pas le vidéo autant que, c'était pas autant développé côté technologie. Mais je pense qu'il y avait pas vidéo. Ouais, il y avait pas vidéo dans le temps. Ça arrêtait. Non. Les games à TV, ils n'avaient pas une tonne. Une game par semaine. Ouais. Mais ça pour dire que Mikita, c'est une grosse perte. Moi, j'avais la chair de poule un petit peu quand j'ai vu ça parce que, ça m'a fait de la peine d'entendre, il y a quelques temps, là. C'était pas d'hier, sa démence. Ça fait que déjà quelques temps. Mais c'était tout un joueur de hockey, puis c'est un gars extrêmement gentil. Puis je veux te conter une anecdote à toi, tes auditeurs. C'est que quand la première fois qu'on a joué contre les Blackhawks à Houston, moi, ma femme n'était pas arrivée encore, puis je demeurais à l'hôtel, l'autre bord de l'autoroute qui était en face de l'aréna. Okay. Ou Edgewater West, East, que ça s'appelait. Okay. Et les Blackhawks étaient arrivés 2 jours avant parce qu'ils étaient sur la route, ils avaient joué à Los Angeles. Alors j'avais rencontré des gars parce que moi, j'avais rien à faire, là, tu sais, j'avais pas d'appartement encore, ma femme n'était pas arrivée. Et puis, en pratique, j'avais rencontré le gars des Blackhawks, Pete Martin, là, qui parlait français à ce moment-là. Puis, il m'avait présenté justement Bobby Hull, San Mikita. Le lendemain, la veille de la game, moi, je restais à l'hôtel. Je ne sais pas tard, j'étais jeune, puis je ne pensais pas sortir. Là. Vers 10h30, mettons, je m'en vais au café shop en bas, parce que j'avais faim, puis j'avais le goût de prendre un café avec quelque chose. Arrive Bobby Hull et Mikita, que j'avais rencontré la veille, le matin, à la pratique. OK. Chaud comme des mines, comme on dit au Saguenay, là. Bien chaud tous les deux. Oui, monsieur. Puis pas à peu près, là. La veille d'un match, tu sais, quand t'arrives, puis je répète, là, moi, j'arrive de Kenogami, là. Tu sais, les joueurs de la Ligue nationale, Bobby Hull, Stan Mikita, pour moi, là, c'était des... Ça, j'en revenais pas, là. Just les médias sociaux n'existaient pas dans le temps, hein? T'arrêtais, puis le téléphone cellulaire, puis... On parle un, puis tu vois, je t'assieds au comptoir. Hey, Joe! Là, il me parlait comme si j'étais une vedette de la Ligue, tu sais. Puis souvent, les grands athlètes, c'est des gens qui, quand ils rencontrent quelqu'un, ils font pas le, sont à la même hauteur, ils sont capables de te parler. Puis ils m'avaient parlé comme si j'avais 10 ans, je jouais dans la ligue. Puis là, moi, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Comment est-ce qu'ils vont faire pour jouer demain soir? Parce que, tu sais, c'était pas la mode ben d'arriver vers un game, d'aller te saouler. Le lendemain, on a perdu 6-4. Bobby Hull a scoré 3 buts. Mikita, 2 buts, 2 passes. Moi, j'en revenais pas. Je me disais, ça, tu sais, tu peux pas faire ça tous les soirs. Ah non. Mais en même temps, tu sais, je me disais, ça n'a pas de bon sens, là. Mais on donc. Ouais. Le gars, t'as chaud comme des bines hier. Puis, hey, mais imagine-toi les médias sociaux puis les cellulaires qui rouleraient comme aujourd'hui. C'est des... Hey, ce serait... Puis tu vois Stan Mikita. Imagine-toi si tu verrais, je sais pas moi, Sidney Crosby, puis Evgeny Malkin, chaud dans un hôtel. Les bines, puis les cellulaires, puis les médias sociaux. Ça fait tout petit monde. Je suis suspendu, là. Ouais. Non, puis moi... j'ai raconté ça par après, puis quand tu te parles, ça, c'est en 1979, 1970, quand je suis arrivé au Saguenay durant l'été, parce que ça se raconte, tu sais, c'est pas, ils n'ont rien fait de mal, puis il n'y a pas personne, ni moi, qui a dit qu'ils faisaient ça tous les soirs, tu sais, mais ils l'ont, ce soir-là, je sais pas s'ils avaient pris 22 bières ou 4 bières, puis il était facile à être chaud, là, mais moi, je peux te confirmer qu'il n'était pas... Il n'était pas dans un état normal. Ah non, la misère a marché, là, tu sais, arrivé, moi, j'étais sûr qu'on fait me mettre chacun une main sur l'épaule, un sur un bord, un sur l'autre. Hey, Joe! Là, il était sur la Roomba, ça, là. Ouais. J'ai envie de le dire, on joue demain soir, il n'y a rien là. Ouais. Hey, Joe, je reviens sur la palette courbée. J'imagine, quand c'était la première fois que c'est arrivé dans un match, est-ce qu'il y a des... il y a sûrement des entraîneurs qui ont essayé de le pogner avec un bâton illégal? Ben, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça a commencé. Puis ça, il a fait ça dans une pratique. Une couple de gars ont essayé ça. Il courbait les palettes avec une torche. Là. Ouais. Et, mais ce qui est arrivé, c'est que c'est, je peux pas te dire si c'est arrivé dans le milieu de la saison ou pas. Là. Mais moi, quand on les a joués, les Hawks, les gars commençaient à avoir des palettes courbées. Mais le problème que tu avais, les joueurs de centre, c'est de contrôler la rondelle sur ton revers. T'échappais à la rondelle parce que là, c'était pas des courbes ordinaires. Là. Ouais. Alors, l'année suivante, il y a eu un règlement dans la Ligue, OK, concernant les courbes. Alors, je sais pas si tu es trop jeune, tu te rappelles. Même quand j'ai coaché junior majeur, là, à la fin des années 88 à 93, admettons, tu avais ça encore une règle dans la boîte des pénalités. Okay. L'arbitre, quand un coach demandait un mesurage de bâton, c'était une règle qu'il fallait qu'il passe, admettons, je te donne un exemple, un 25 sous entre la règle et le milieu de la palette. Il fallait que le 25 sous voulait pas qu'il passe. Okay. S'il passait, c'est parce qu'il était trop courbé. Alors, c'était ça. Ils ont parti un règlement, ça n'a pas été long. Mais moi, je peux te dire une chose. Quand il était venu à Oakland, la fois de Bobby Hull et Mikita, là, ouais, c'est que ça n'avait pas de bon sens. J'avais vu la pratique, puis j'avais dit au gars, ça n'a pas d'allure. Il shootait à pas. Tout le monde avait des bons lancers. Je dirais que la moitié de l'équipe avait des palettes courbées. Sauf que ça limitait dans ton lancer du revers. Fait, quand tu n'as pas lancé du revers, moi, j'ai jamais eu une palette aussi courbée que ça, là. Mais garder une palette droite, là, évidemment, c'était mieux pour le revers, pour faire une pause. Le revers, le joueur de centre avait besoin d'avoir une palette plus droite. Mikita, lui, jouait au centre, là. Mm-hmm. Il ne dérangeait pas mal tout. Il y avait un Christy de lancé, là, Mikita. Mais c'est la même affaire, parce que quand on a parlé, ça a fait quoi, 25 ans, le Canadien contre les Kings, la Coupe Stanley? Tu sais, le fameux bâton illégal, on en parlait avec Stéphane Lebeau dans le temps, puis dans le temps, il y avait des punitions. Là, maintenant, on n'en parle plus de ça, c'est à peu près la même affaire. J'ai l'impression, ben d'abord, hein, au départ, puis c'est drôle que tu me parles des bâtons, il est d'abord, ouais, ces bâtons-là. C'est que je m'en venais avec mon épouse tantôt, puis je disais ça, elle dit, moi, mais là, aujourd'hui, non, aujourd'hui, on a des bâtons à graphite. On n'a pas besoin d'avoir des palettes courbées. Non. Avec le whip que les manches ont, là, ils n'ont pas besoin de courbes. Mais dans le temps, là, les compagnies, moi, je me rappelle, j'avais eu 2 500 $ pour la compagnie de bâtons Victoriaville. OK. Pour utiliser le bâton, puis chaque fois que j'avais une photo qui était prise de moi, je me manchais pour qu'ils voient le mot Victoriaville. Quand je lui ai demandé de me faire une palette courbée un peu plus, le représentant était venu me voir quand on était venu jouer à Montréal pour me demander si c'était possible de garder la palette droite parce que les bâtons, je sais pas maintenant, là, mais c'était tout fait à la main, hein, individuellement, les bâtons. Fait que ça a été un problème. Il y a Northland. À Chicago, je jouais un peu ça, je me rappelle comme c'était hier, je jouais avec des bâtons Northland qui étaient faits aux États-Unis. Les autres, la compagnie Northland a dit non, on va en faire des bâtons courbés, nous autres. Okay. Fait que tu sais, ça a fait... Mais c'est drôle que tu parles de ça, puis je peux pas. C'est à cause de Mikita. Ouais, mais c'est à cause de Mikita. Puis là, après ça, le règlement a commencé à être pas pire d'un coup, puis là, ça chiolait, puis là. Fait que là, il y avait une règle au banc des punitions, puis là, l'arbitre allait mesurer. Puis comme tu mentionnes, puis ça, j'avais oublié ce bout-là, Los Angeles contre le Canadien. C'est un bâton illégal. Ben oui. Hey, mais ça devait faire tout comme un avantage numérique. Pilote, Bobby Hull, puis Mikita. Je veux dire, moi, j'essaie, c'est là, c'est encore, je ris parce qu'il me parle des affaires que j'ai, il y a certaines choses que j'ai oubliées, mais je pense que Pierre Pilote n'était plus là quand j'ai joué. Là. Non, mais t'as dû voir pareil, t'as dû voir. Je l'ai déjà vu, avec Mikita puis Bobby Hull, t'as dû voir ça pareil, non, ça devait faire tout qu'un amant. Bobby Hull, t'avais Mikita, t'avais Bobby Hull, t'avais Dennis Hull, le frère à Bobby Hull, qui avait un excellent lancé. OK. T'avais Kenny Warren. OK. C'était le numéro 17, que c'était une fusée. T'avais Bob Nevin aussi. Ça, c'était les gros attaquants. Puis, tu as eu par la suite Pete Martin. Je ne sais pas si tu te rappelles le. Pas tout, je ne sais même pas Pete Martin. Il est décédé aujourd'hui, qui était un gars de l'Abitibi. OK. Mais non, l'attaque à 5, eux autres. Il y avait de l'anole dans les buts. Non, le King à défense, non. Pierre Pilote n'était pas là, d'après moi, parce que le King à défense, c'est un gars pour qui j'ai joué, Pat Stapleton. OK. Le défenseur, le petit blond, là. Ah oh, ouais. C'était lui le l'homme-clé sur le powerplay en arrière. OK. Est-ce que Mikita, parce qu'on parle d'une grande vedette dans le temps, là, est-ce que quand Mikita jouait, parce que les Golden Seals de la Californie, c'est ça, là, ils jouaient à Oakland, est-ce que, ils n'ont pas resté longtemps, mais est-ce que quand arrivait Stan Mikita, il était assez gros pour amener du monde d'un gradin? Oh oui, Stan Mikita. Il y avait C'est des gars qui foulaient, là, comme on dit en Boston. Ah ouais? Ouais, okay, les Arenas. Okay. T'avais Mikita, t'avais Bobby Orr à Boston. C'est qu'en Boston. Mais Oakland, là, contrairement à ce que toi, comme je répète encore, là, ouais, t'es trop jeune, mais dans le temps, là, Oakland, il pognait du monde. Là. On avait du monde à Oakland. Là. Moi, l'année que je suis arrivé là, on a fait les playoffs, en plus. Et des gars comme Bobby, le Canadien attirait, ça, c'est sûr. Là. Okay. Claude Ruel qui coachait, Bobby Rousseau jouait, c'est ouais, Béliveau et compagnie. Mais non, ça attirait, là, ça, à Los Angeles, c'était pareil, il foulait. Là. Okay. Stan Mikita, là, c'est parce que les jeunes, vous êtes trop jeunes. Ouais. Stan Mikita, c'est un star. Là. C'est un gros joueur. L'histoire là-dedans, qu'on voyait pas souvent à ce moment-là, c'est qu'il était... tough, pas pour se battre, mais c'est un gars qui servait beaucoup de son bâton, des cross-checks, puis tu sais, il avait les bras en l'air, puis c'est un gars qui était très vicieux avec son bâton. Un peu comme Gordie Howe. On dit que Gordie Howe était très, très vicieux aussi. Ouais, mais tu sais, mais Gordie Howe, moi, je me rappelle, j'ai blessé son garçon, un de ses deux garçons, moi, okay, c'est lui le joueur d'affaires. Ouais. Il a couru après moi pendant 3 ans, là. mais Mikita, mais Gordie Howe, c'est un gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2, là, 200 livres et plus. Mais Mikita, là, c'est 5 pieds 9, je disais à peu près 5 pieds 10, 175 livres à peu près, là, c'était pas un monstre, ça, là. Non, comme Henri Richard, je savais pas, moi, qu'Henri Richard faisait 5 et 6. Ben, moi, je pense pas 5 et 6, je dirais 5 et 7, 5 et 8, d'après moi, là. Ben, hier, j'écoutais Paulo, au 98.5, parler de ces joueurs-là, de cette époque-là. Ouais, là, je t'assinerai pas parce que tu l'as entendu. Ouais. Il me semble que c'est plus que ça. Mais ces joueurs-là, à l'époque, 5 et ben, là, ça revient. Là. Tu vois des Johnny Gaudreau, tu vois des petits joueurs, tu vois des petits joueurs qui font une belle carrière. Mais à un moment donné, il y a une époque où c'était difficile, ils ne regardaient même pas. Mais à cette époque-là, tu avais beau être petit, si tu avais du talent, t'en marquais. Là. Alors, Richard, aurais-tu fait une carrière aujourd'hui? Peut-être parce qu'il y avait 30 équipes, mais... Ben non, mais tu sais, en même temps, c'est que aujourd'hui, contrairement... Dans ce temps-là, de toute façon, le petit était, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est le dernier à jouer. Il y en a un ou deux par équipe des petits joueurs, OK? Ouais. Mais ce qu'ils réalisent aujourd'hui, puis dans le temps, ça ne les dérangeait pas parce que c'est ce qu'ils réalisaient, c'est que si tu as la vitesse pour jouer, là, puis t'as la grosseur que tu voudras, parce qu'il y a un avantage à être petit si tu joues contre un Chara, là, quand tu lèves les coudes, il y a une punition, lui. Ouais. Tu sais, il te pointe dans la tête. Fait que les petits, dans ce temps-là, normalement, là, ce que je te dis là, okay, normalement, dans ce temps-là, les petits étaient baveux au bout, là. Tu sais, ils écœuraient tout le monde, puis tu pouvais pas t'attaquer un petit. Tu sais, si t'étais plus grand, mettons, comme moi, je mesurais 6 pieds 4, mettons, là. Tu sais, si je donnais une claque à la gueule, mettons, je leur ai donné une claque à la gueule à un gars de 5 pieds 7, il aurait dit, garde, s'il est jaune, s'il prend juste les petits, là. Ouais. Fait que les petits, c'est un peu ça que ça a fait. Il y en a qui s'en sont servis de ça. Tu sais, il y a des petits, là, j'essaie de me rappeler, il y en avait un qui a joué avec les Rangers, qui a joué à gauche et à droite, là. Avery, Sean Avery. Oui, oui. Il avait tout le monde, là. Ça fait pas longtemps de ça, tu te rappelles, non, là, lui. Non, c'est sûr. Il carrait tout le monde, lui, là. Ouais. Il était pas grand, là. Ouais. Fait que, tu sais, les gars, osaient pas trop se battre avec, tu sais. Un gars comme Lucic, t'es pas pour se battre avec Avery, là. Avery, là, c'est un... Lucic, mais juste 4, là. OK. C'est un peu ça que ça faisait, pour ça que... Mais aujourd'hui, on oublie ça. Il n'y a plus de bagarre ou à peu près pas. Puis les petits qui jouent dans la ligue sont vite. Ça, c'est important. Là. Ouais. Hey, je regarde en même temps, je suis sur le Hockey News, en même temps que je te parle, Joe. Germain Gagnon, il jouait avec Stan Mikita. Moi, c'est un gars que j'ai jamais entendu parler. On dit qu'il est décédé aujourd'hui, Germain Gagnon. Il est mort. C'est un gars de Chicoutimi. J'ai joué avec... Quand on gagnait, il appartenait à Canadien, comme moi. OK. L'année que j'ai joué à Halifax, qu'on a gagné à Coupe Calder, Germain, qui tout le monde appelait Gaggy, okay, était à Halifax. Un excellent joueur de hockey. Il avait des bonnes mains. Germain a une très bonne main. Là. OK. Excellent joueur de hockey natif de Chicoutimi. OK. Parce que lui, Germain Gagnon, ce qu'on dit de Mikita, c'est qu'il est devenu le 7 avril 1974 le meilleur joueur de l'histoire, le meilleur marqueur de l'histoire des Blackhawks sur un but et sur une passe de Germain Gagnon et Jean-Pierre Bordelot. Je sais pas si... JP, ben oui, regarde ça. Le frère à Christian Bordelot qui a joué avec les Nordiques. OK, OK. Puis le frère à Paulin Bordelot. Ouais. Qui a joué avec Vancouver, puis qui a joué un petit peu, je pense, avec les Nordiques. Et l'oncle de Sébastien, j'imagine, aussi, puis... C'est l'oncle Sébastien, c'est le garçon, je pense. C'est le garçon à Paulin, je pense. Oui, c'est ça. Sébastien, c'est le garçon à Paulin, oui. C'est le garçon à Paulin. Donc, c'est des noms. Mais Germain Gagnon, ça a-tu joué longtemps dans la Ligue nationale, ça? Non. Moi, quand l'année que la Ligue mondiale est arrivée, que moi j'étais à Halifax, là, on attendait parce qu'on est okay. À Halifax, on avait, je pense, c'est 18 sur 21 joueurs qui avaient été repêchés pour la Ligue mondiale. Okay. Puis Germain a décidé d'attendre. Okay. J'ai pas voulu switcher de ligue. Et il y a eu l'expansion de Buffalo, Vancouver, puis il y a eu l'expansion des Islanders. Okay. Ici, j'ai pas le livre devant moi, là, mais d'après moi, il s'est ramassé avec les Islanders, mais il n'a pas été longtemps dans la Ligue nationale. Okay. Mais, ça a tout, tu sais, dans le temps, jouer dans la Ligue nationale, là, c'était comme une job, là, tu sais, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes. Ah non. Alors, la Ligue américaine, les bonnes équipes de la Ligue américaine auraient pu jouer contre des équipes moins bonnes de la Ligue nationale. Ben oui. Écoute, quand j'ai été à Oakland, puis j'ai été blessé, puis je suis revenu au jeu, ils m'ont envoyé à Providence. Okay. On a joué à Rochester, qui avait à ce moment-là René Robert et compagnie. À Buffalo, Brad Park jouait là. T'avais Orlando Curtinback, je sais pas si tu te rappelles de lui, jouait là. Ben, Park, Walter, oui. Walter Tkachuk jouait à Buffalo. Là. C'était tous des gars qui ont joué avec les Rangers après, ça, là. OK, OK. C'est ben, Brad Park, tu te rappelles de lui? Ben oui, avec les Red Wings, ah. C'était les trois, les Bruins de Boston. Je me rappelle. Je pense qu'il a joué avec les Rangers de New York. Ah oui, aussi. Il a joué avec les Rangers. Ouais. Ben, oui, il a commencé là. OK. Et, alors, lui, il jouait à Buffalo, qui était l'équipe école des Rangers. OK. Fait que, tu sais, là, il y a un paquet de gars, là, que, comme moi, de mon temps, là, qu'on on a un peu pas séché parce que moi, j'avais averti que je changeais de ligue. Fait, Canadien, pas Canadien, mais Oakland m'avait protégé. Okay. Durant l'été, je parle à un journaliste, puis j'ai dit ça. Moi, là, mon année dans la Ligue mondiale, c'est la part. Okay. Quand j'ai accepté d'aller dans la Ligue mondiale, un Canadien m'a échangé. Pas Canadien, mais Oakland m'a échangé à Montréal. OK. Hey, en terminant, Joe, dernière question. Oui. Stan Mikita. On dit que Mikita, c'est Monsieur Blackhawks. Mais par contre, moi, ce que je sais, moi, je suis plus à l'époque de Denis Savant. On dit que Denis Savant a sauvé le hockey à Chicago. Explique-moi là, ça. Ben, il a sauvé le hockey en ce sens que quand Savard est arrivé, tu sais, c'est dans les années où ce que... C'était entre Mikita. Il y a eu un vide entre Mikita et Savard, j'imagine. Oui, oui, puis tu sais, là, moi, l'année, exemple, le temps que j'étais à Chicago, qu'on était allé en finale de la Coupe AFCO, le Chicago, les Blackhawks, ils faisaient pas les séries dans ce temps-là. Le Chicago Stadium, il y avait 8-9 000 personnes. Puis là, le Chicago avait demandé, la Ligue mondiale avait demandé de jouer la finale contre Houston, qui avait Montréal, Montréal et la convainc la gang, ouais, pour jouer au Chicago Stadium. Ils n'ont jamais voulu, parce qu'ils savaient que s'ils acceptaient ça, c'était terminé pour les Blackhawks. Là. Okay. Et le monde aurait switché de ligue, parce que la finale se jouait là, puis Chicago ne gagnait pas. Ouais. Alors l'arrivée de Savard par la suite, qui était spectaculaire, un autre petit, celui-là, là, ouais, à la Martin-Saint-Louis, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est sûr, je te dirais que oui, il a sauvé le hockey. Parce que quand Mikita jouait, tu sais, Chicago, là, c'était la folie furieuse avec Bobby Hull, Denis Sol, Mikita, Eric Nesterenko, il y a Glenn Hall, Limbu, ils avaient tous, là, ils avaient tous les gars, là. Ouais. Lou Engati, te rappelles-tu de ça? Non. Moi, des Blackhawks, c'était, ce que je commence, c'est Denis Savard. Oui, finalement, si je comprends bien, t'es peinturé bleu, blanc, rouge. Tu te rappelles de tous les joueurs du Canadien, mais pas des autres. Pas du tout. Je t'ai nommé Brad Park tantôt. Je t'ai nommé Brad Park. Je t'ai nommé. Oui, effectivement, Faut agacer les gens de Delbo. Ah, ouais, ouais. Ben, Joe, merci, parce que je sais que tout le monde veut te parler. Fait que. Parce qu'ils cherchent quelqu'un qui a joué contre lui. Ben oui, il n'y en a pas ben au Québec. Il n'y en a pas une tonne, ben là. Exemple, au Saguenay, il n'y en a pas une tonne, là, ça, c'est sûr. Là. Il y aurait eu Pierre Pilote qui aurait pu nous en parler, mais Pierre est décédé l'année passée. Fait que... c'est vrai, il est décédé, Pierre Pilote. Oui, il est décédé l'année passée. On dit que c'était tout qu'un défenseur. Notre ami Phil Gagné, comment va-t-il? Phil Desgagné va très bien, il joue au golf. Ah oui, il fait juste jouer au golf. Oui, il joue au golf, mais là, on va commencer à parler. Mais la semaine passée, j'y ai parlé la semaine passée, puisque François Gravel, un gars qui a joué pour les Saguenay, peut-être pas ça doit pas dire. On dit qu'il est décédé d'une crise de cœur et Phil le connaissait bien, fait qu'on lui a parlé la semaine passée. Mais François Gravel, pas le gardien de but. Non, François Gravel qui a joué avec Guy Carbonneau dans le temps. Ah, OK, c'est un gars de quel endroit? C'est un gars de Jonquière. Il a marqué 40 buts les Saguenay, puis il est décédé, puis ça a marqué pas mal. Moi, je connaissais pas François Gravel, là, mais ça a marqué pas mal l'imaginaire au Saguenay. Ça a fait pas mal. Ah oui? Oui. Il avait quel âge? Il avait 57 ans. Ah ouais? Puis il est décédé. D'une crise de cœur une semaine après avoir pris sa retraite comme travailleur. Travaillait d'une entreprise de Chipshaw. Ah, ah, ah. Fait que moi, je n'en disais rien, François Gravel, sauf que c'est apparemment, on a lu beaucoup là-dessus, et Phil m'en a parlé la semaine passée. Fait que. Joe, on s'en parle, tu vas être à Radio X tantôt. On On s'en parle pour la saison. J'aurais voulu parler, mais là, on s'en reprend une autre fois. Mais répondre à ma question rapidement, là, deux secondes. Le pire directeur général, Kevin Sweet ou Marc Bergevin? Ouais, je pouvais dire Reeves, là. Au moins. Non, mais Reeves, c'est l'enfer. Oh, non. OK, on s'en parlera davantage. OK, jeune homme. Joe Hardy, notre collaborateur. Salut à tout le monde. Bye.